Ouais, ouais, le film de ma vie. Ok, eh, le film de ma vie. Yeah, yeah, le film de ma vie. Le film de ma vie. Ils te raconteront l'histoire en écrivant que j't'ai perdu. Ils peuvent toujours chercher mon avion, c'est crashé dans le triangle des Bermudes. J'aime pas trop les pleines lunes, les soirs où la rue fait des. On n'aime pas la guerre, nous. T'aurais vu nos têtes devant Corneille et Bernie. Tu m'as avancé du bif, tu sais que je suis un vrai. Tu sais que je me lève tôt pour te les rendre. Dehors c'est la jungle, frère y'a des rats. Des vautours, des dobermaners, des voleurs, des craquettes, des chars. Bonheur, des chômeurs, des chats morts étalés sur le trottoir. Des mecs qui se prennent pour des maîtres. Vu le niveau de leur plus fort, je me demande ce que vaut leur dernière. Oh mais non, le monde est abominable. Viens dans ma tête, je t'invite au réveillon. Les animaux sont les abdominaux. Si tu leur dis que les hommes sont des êtres bienveillants. Oh mais non, le monde est abominable. Frère, on n'est pas comme eux. Frère, ils sont trop communs. Et ils ont plein de stéréotypes. Donc ils sont pas prêts de serrer nos mains. Frère, on n'est pas comme eux. Regarde-moi dans les yeux. Et ils ont plein de stéréotypes. Frère, on n'est pas comme eux. Comme Marshall, j'ai les deux fruits. J'ai le canon long qui décime, détruit. On vend tout, rien que ça débite. Si ça vient, fais la rare, on fait pas le débile. C'est pas grave, vas-y, néglige-nous. C'est pas toi, c'est nos démons qu'on esquive nous. Là je suis équipé pour, j'attends que momie se couche. J'm'en vais charbonner jusqu'au lever du jour. T'es parti donc bon débat. Leader vif comme Che Guevara. Quand les pales pleuvent, j'y l'ai pas de parapluie. Les condés parlent que ça fout la rage. Que ça course, faut bien taffer les appuis. Frère on est pas comme eux. Frère ils sont trop communs. Eux ils sont plein de stéréotypes. Donc ils sont pas prêts de serrer nos mains. Frère on est pas comme eux. Regarde-moi dans les yeux. Eux ils sont plein de stéréotypes. Frère on est pas comme eux.